Chapitre 2. Si différente de l'existence de Morton Court que fut celle dans l'inconfortable vieille tour, Élisabeth s'y adapta de nouveau avec facilité. Comme autrefois, Damien préparait les repas pour les habitantes de la tour. Aglaé aidait au ménage, ainsi qu'elle le faisait chez Calixte. Mais il y avait encore de quoi s'occuper dans ce vieux logis qui manquait de bien des commodités. D'autant plus qu'Adélaïde se fatiguait vite maintenant et que ses yeux, devenus mauvais, ne lui permettaient plus guère le travail d'aiguille. Quand Élisabeth avait accompli sa tâche quotidienne de ménagère, il lui restait néanmoins du temps pour sa peinture, pour quelques lectures, pour une promenade dans le parc ou aux environs. Elle songeait en outre à modifier, par de menus détails, l'arrangement de leur logis et, pour cela, quelques jours après son arrivée, elle se rendit avec Adélaïde à Lons-le-Saunier afin d'y acheter les nécessaires. Au retour, Damien lui apprit que Catherine de Groussel était venue en son absence. « Nous irons demain à Aigueblanche, » dit Élisabeth à la vieille demoiselle. « C'est très aimable à Catherine de me devancer. » Le temps, pluvieux la veille et le matin, s'était éclairci quand elles prirent, en voiture, la route d'Aigueblanche. Des nuages pâles traînaient sur le bleu vif du ciel. Au passage, Élisabeth jeta un coup d'œil sur le château de Branchot, dont les volets étaient clos. Madame Pienne, la cousine de Judith, n'y venait en effet qu'en juillet. Peut-être même, comme le fit observer Adélaïde, n'y viendrait-elle plus du tout, maintenant qu'elle était très malade, d'après ce que lui avait dit Damien. Élisabeth pensa. Que n'a-t-elle choisi une autre résidence autrefois? Mon père n'aurait pas connu cette Judith, et tout, alors, aurait pu être différent. Comme la voiture entrait dans la cour d'Aigueblanche, Catherine parut sur le seuil. Elle eut une exclamation joyeuse et vint, en souriant, au devant des arrivantes. Avec son teint brun, ses dents éclatantes, la vive gaieté de ses beaux yeux gris, elle était une parfaite image de la santé morale et physique. Sa cordialité toute simple plut à Élisabeth. Cette Catherine, qu'elle avait peu connue autrefois, d'emblée, lui inspirait de la sympathie. Dans le salon, Abel, assis près d'une fenêtre, causait avec son frère debout devant lui. Un peu plus loin, près d'une table ronde, Madame de Groussel tricotait. Quand Catherine annonça gaiement « Voilà Élisabeth !», tous trois tournèrent la tête vers la porte et Abel dit aimablement « Nous étions très impatients de vous voir, Élisabeth !»« Précisément, nous parlions de vous, » ajouta Willibald. « Abel me disait qu'il aimerait revoir le vieux Montparou que votre père lui a fait visiter un jour, il y a un certain nombre d'années. » Tout en parlant, il posait dans un cendrier la cigarette qu'il tenait entre ses doigts et venait vers les arrivantes, dont il serra la main. Élisabeth rencontra son regard intéressé, où, décidément, il n'y avait plus trace de l'hostilité d'autrefois. Madame de Groussel, vieillie, visiblement très fatiguée, accueillit les visiteuses fort aimablement. Élisabeth ne retrouvait pas non plus en elle la parente toujours portée à la critique, qui la jugeait avec une sévérité contre laquelle se révoltait son jeune orgueil. Elle l'interrogea avec intérêt sur sa vie en Angleterre, parut satisfaite d'apprendre qu'elle y avait été heureuse. Catherine prépara le thé qu'Élisabeth l'aida à servir. Après cela, les jeunes gens se mirent à causer entre eux. Élisabeth, très gaie lorsqu'elle se trouvait en milieu sympathique, racontait avec humour des anecdotes qui amusaient Abel et Catherine, et amenait un sourire sur les lèvres sérieuses de Willibald. Puis l'entretien glissa vers la littérature anglaise que connaissaient les deux frères. Willibald, qui avait peu parlé jusque-là, émit des réflexions dont la finesse, la lucide intelligence frappèrent Élisabeth. En l'écoutant, ainsi qu'Abel, elle comprit que tous deux, et Catherine dans une limite plus modeste, se tenaient au courant du mouvement intellectuel, par goût, non par snobisme, ainsi que tant d'autres. Comme les visiteuses se retiraient, reconduites par Catherine et Willibald, un petit garçon parut dans la cour en compagnie d'une nurse. Catherine s'écria « Voilà Thierry! Viens dire bonjour à Élisabeth, mon petit !»« L'enfant s'approcha. Il était fin de corps et de visage. Son teint rose et blanc avait l'apparence d'une délicate porcelaine. Des boucles blondes entouraient la ronde petite figure dont les yeux couleur de ciel se levaient sur Élisabeth. Elle eut un instant d'étrange saisissement. Ses yeux, les yeux d'Agathe, les yeux angéliques. Et cette grâce déjà doucereuse avec laquelle cet enfant la saluait. Machinalement, elle tourna la tête vers Willibald. Il regardait son fils. Comme sa physionomie était dure. Pourquoi le regardait-il ainsi ? Va maintenant prendre ton goûter, dit-il d'un ton bref. Et s'adressant à la nurse, il ajouta « Je vous ai déjà prié, Sarah, de le faire rentrer assez tôt pour qu'il puisse goûter à 4 heures et se reposer ensuite. C'est une prescription du médecin qui doit être suivie. » La mince anglaise lui jeta un coup d'œil en dessous en répondant d'un ton pincé « Bien, monsieur le comte !» Catherine leva les épaules en la suivant des yeux. « Je crois que tu auras du mal avec cette femme-là. » Il dit entre ses dents « Oui, on lui a trop bien fait la leçon. » Sa physionomie semblait assombrie. Il prit presque hâtivement congé des visiteuses auxquelles Catherine recommandait encore de ne pas oublier qu'elle venait déjeuner le dimanche suivant. Un peu plus tard seulement, Élisabeth songea que personne, cet après-midi-là, n'avait prononcé le nom d'Agathe ni celui de sa mère. En quelques jours, avec l'aide de Damien, Élisabeth eut transformé les 3 pièces qui occupaient le premier étage de la tour. De fraîches cretonnes ornèrent les fenêtres, rajeunirent les vieux sièges. Damien avait découvert dans les greniers quelques anciens meubles, relégués là par Judith, et qu'une peu coûteuse réparation permettrait d'utiliser. Des vases de faïence ancienne, renfermés dans un placard de l'appartement, autrefois occupé par la vieille comtesse, furent garnis de fleurs et disposés dans les chambres de la tour. Celles-ci, aussitôt, prirent un aspect plus hospitalier, pas au point cependant de satisfaire Catherine, qui déclara à sa première visite « Ce n'est pas gai chez vous, ma chère Élisabeth. Dire que vous avez passé 10 ans de votre vie dans cette vieille tour, où le soleil entre à peine, je m'y sentais au moins chez moi, dit brièvement Élisabeth. » Elles étaient assises toutes deux près de la fenêtre, l'une tricotant, l'autre cousant. Après plusieurs journées de pluie, une admirable lumière baignait aujourd'hui la campagne fraîche, tout humide encore. De la vallée montait le bruit de la rivière, devenu un torrent bouillonnant. « Oui, évidemment, » murmura Catherine. Ses yeux faisaient le tour de la pièce, s'arrêtaient sur le portrait de Daphné. Elle dit pensivement « Vous ne ressemblez pas à votre mère, Élisabeth. Vous êtes une rudaine. » Oui, mon oncle le constatait à son grand regret. Il aimait beaucoup sa sœur et aurait eu plaisir à la retrouver en moi. Cependant, il avait rompu avec elle. Rompu, non. Il s'écrivait toujours. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était prête à se fiancer au meilleur ami de sœur Montagu quand elle connut mon père et qu'il a longtemps conservé une secrète amertume de n'avoir pu la détourner d'un mariage qu'il n'approuvait pas. Il a été bon pour vous ? Très bon, tous l'ont été d'ailleurs, mais j'ai une amitié particulière pour mon cousin Horace, dont la nature ferme, loyale, me donne une impression de sécurité, de confiance entière. Vous aimez la loyauté, Élisabeth ? Par-dessus tout, oui. Alors, je comprends votre antipathie d'autrefois pour Agathe. Un éclair d'ironie passa dans le regard d'Élisabeth. Comment ? Vous n'êtes pas en admiration devant votre céleste belle-sœur ? Catherine secoua la tête. « Moi, je l'ai peu connue, étant si rarement à Aigueblanche à cette époque. Mais ma mère en était férue, ainsi que Madame de Rudaine. Abel, lui, m'a avoué que, dès avant le mariage, il avait soupçonné la fausseté, cette horrible fausseté qui est la tare d'Agathe et qui éloigne d'elle Willibald. » Les mains d'Élisabeth laissèrent échapper l'ouvrage de couture qu'elle tenait. « Willibald, c'est à cause de cela que... qu'ils vivent presque séparés. » Il y eut une première tromperie de la part d'Agathe. Elle lui avait laissé croire qu'elle vivrait volontiers à la campagne. Mais, une fois mariée, elle a voulu habiter Paris. Willibald s'y est refusé. Depuis lors, elle passe quelques semaines d'été à Aigueblanche et le reste chez ses parents. Catherine s'interrompit un instant. Machinalement, elle se remit à tricoter. Élisabeth, le visage un peu tendu, tournait vers le dehors un regard assombri. Willibald n'est pas d'une nature assez penchée à se plaindre, reprit Catherine. Néanmoins, nous avons compris quelle dure désillusion il avait trouvée dans ce mariage. Lui, si droit, qui abhorre le mensonge. Le jour où j'ai été faire mes adieux à votre mère, il y a 6 ans, Abel m'a dit « Je me demande si Willibald sera heureux ». Ah, il vous l'a dit ? Oui, ce mariage l'inquiétait. Mais il se taisait devant l'enthousiasme de ma mère, devant l'apparente satisfaction de Willibald. Pauvre mère, toujours en proie aux difficultés pécuniaires, elle ne voyait qu'une chose, la fortune d'Agathe allait relever notre maison, permettre à son fils aîné de faire face aux charges qui lui incombaient. Comme, en outre, Agathe était jolie, de bonne maison par son père, et qu'elle semblait plaire à Willibald, elle ne voyait aucune raison pour ne pas le pousser à cette union. Elle l'a poussé ? Élisabeth tournait vers Catherine un regard tout à coup plus vif. Du moins, elle l'y a engagé fortement, après que Madame de Ruden lui ait laissé entendre qu'Agathe était très éprise de Willibald, et que celui-ci n'avait qu'un mot à dire pour devenir son fiancé. Fût-ce de la part de mon frère, surtout un mariage de raison, ou bien a-t-il éprouvé quelque amour pour Agathe, cela je l'ignore. Il est très difficile de connaître les sentiments profonds d'une nature telle que la sienne, qui les tient jalousement secrets. Les belles mains d'Élisabeth reprirent l'ouvrage un instant abandonné. Elles semblaient devenues un peu nerveuses, et les poings, dans la percale légère, n'avaient plus la finesse habituelle. À travers le silence, un son grave, une profonde plainte s'éleva. C'était le violon de Calixte. Un noble adagio étendit sa trame harmonieuse jusqu'à la note finale qui sombra dans un sanglot. Catherine dit avec admiration « Quel artiste ! Mais elle met la mort dans l'âme !» C'est toujours ainsi. Pauvre tante, révoltée sans doute, si malheureuse certainement. Vous n'avez toujours aucun rapport avec elle ? Aucun. En fait, je ne la connais pas. Vaguement, je me souviens de l'avoir vue quand j'étais très petite fille. Elle n'était pas tout à fait claustrée à cette époque. De la route montèrent à ce moment 3 coups de klaxon. C'était le signal convenu avec Willibald qui devait venir prendre sa sœur à la grille du château. Ainsi que Catherine l'avait expliqué à Élisabeth, il avait été voir aujourd'hui une personne dont on lui avait parlé pour remplacer la nurse qu'il ne voulait pas conserver. Les deux jeunes filles le trouvèrent à l'entrée de la cour. Catherine demanda aussitôt « Eh bien, cela peut-il convenir ?»« Je le crois. Demain, je donnerai ma réponse. Vous vous trouvez décidément bien dans ce vieux Montparoux, Élisabeth. » Il a regardé longuement avec une sorte de curiosité. Cherchait-il la fillette un peu sauvage d'autrefois en cette jeune fille d'allure élégante qui avait tant de charme dans cette robe bleu marine garnie de blanc et dont les yeux renfermaient tant de vie ? Très bien, malgré tous les petits inconvénients du logis, répondit-elle gaiement. Catherine ne me l'envie pas cependant. Encore l'a-t-elle vue un jour ensoleillé ? Oh, Willibald, ce devait être parfois mortellement triste. Élisabeth est une courageuse, dit-il. Les yeux d'un bleu si foncé considéraient Élisabeth avec cette expression adoucie qu'elle leur avait déjà vue lors de ses précédentes rencontres avec Willibald. Il lui rappelait le jeune Willibald d'autrefois qui était aimable et bon pour sa petite cousine. La découverte du mensonge chez Agathe et sa mère avait-elle fait comprendre à l'homme désabusé ce qu'il fallait penser des sournoises insinuations contre la fillette en révolte devant l'hypocrisie ? Quand le frère et la sœur eurent pris congé d'elle, Élisabeth demeura un moment debout près de la grille, regardant la voiture s'éloigner. Une voiture datant visiblement de plusieurs années, bien tenue, mais ayant dû faire un long usage. À Aigueblanche, rien ne lui avait paru changé, sauf quelques tentures remplacées. Tous, y compris Willibald, semblaient vivre comme naguère, alors qu'il n'y avait pas l'argent d'Agathe. Élisabeth sentait en elle une sorte d'allègement. Il lui eût été singulièrement pénible de voir Willibald jouir de cette fortune maintenant qu'il n'aimait plus Agathe. Mais l'avait-il jamais aimée? Un léger bruit de pas sur le pavé de la cour vint aux oreilles d'Élisabeth. Elle se détourna et vit Florestine qui se dirigeait vers la loge. Répondant au salut de la femme de chambre, elle s'avança en demandant « Comment va ma tante, Florestine ?»« Pas trop bien, mademoiselle. Depuis quelques jours, elle est enrhumée, elle tousse, et cependant, je ne puis obtenir qu'elle renonce à sa promenade du soir. C'est comme cela qu'elle a pris mal l'automne dernier, après quoi, il a bien fallu qu'elle se soigne tout l'hiver. » Elle ne s'ennuie pas trop. Croyez-vous qu'elle refuserait de me recevoir? Je la plains tellement, pauvre tante. » Le grave et pur regard de Florestine s'attarda un moment sur la jeune physionomie sincère. Non, elle ne le voudra certainement pas. Ma pauvre demoiselle est bien plus malade d'âme que de corps, mademoiselle Élisabeth, et nous ne pouvons qu'une chose pour elle, prier, afin que la nuit où elle vit s'éclaire un jour. Elle fit un mouvement vers la porte de la loge, puis ajouta « Je le lui demanderai quand même, mademoiselle, on ne sait jamais. » Quelle paix, quelle sérénité dans le regard de cette femme! Élisabeth, à chaque rencontre avec Florestine, en emportait une impression de surprenant apaisement. « Florestine est une âme merveilleuse, lui avait dit un jour l'abbé Forgues. » Depuis bien des années, elle partageait la sombre existence de Calixte. Peut-être connaissait-elle des jours pénibles près de cette malade d'esprit, cette misanthrope qui s'écartait avec une farouche volonté de la vie d'autrui. Oui, une malade, évidemment. Adélaïde l'avait connue après le mariage de Daphné, menant à peu près la vie de tout le monde, mais de caractère assez renfermé, très orgueilleuse, douée d'un esprit vif, étincelant, d'une intelligence très cultivée. En fait, une femme remarquable au point de vue intellectuel, belle de visage, avec des yeux d'un charme étrange, au dire d'Adélaïde, et un pauvre corps déformé que tout l'art des couturières ne pouvait transformer. C'était peu de temps avant la mort de sa belle-sœur qu'elle avait tout à coup décidé de se cloîtrer dans la tour, et les observations de sa mère, de son frère, s'étaient heurtées à une obstination invincible. En songeant ainsi à cet étrange calyx, Élisabeth traversait la cour pour regagner le logis de la tour. Elle passa près du bassin central, autour duquel le vieil Anselme s'occupait de planter des pensées avec l'aide d'un jeune paysan, son petit-neveu, que M. de Ruden lui avait donné comme suppléant. Le vieillard leva la tête, marmonna un « Bonjour, demoiselle !» puis suivit Élisabeth des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans le château. Le jeune Benoît le regardait avec surprise. Anselme dit rudement « Allons, travaille, toi, et quand tu vois quelque chose de pas clair, tiens ta langue, ça vaut mieux !»